Haute fréquence, le son des religions. Tristan Miquel, on s'intéresse à présent à une histoire aux rebondissements multiples, mais qui n'avance pas beaucoup, celle de la reconnaissance par l'État de Vaud des églises évangéliques. Alors le dépôt officiel de la demande vient d'être reporté. L'État demande à ces églises de clarifier leur position commune, notamment sur le thème de l'orientation sexuelle. Eh bien oui, décidément ça coince hein, entre les autorités et les évangéliques. C'est désormais officiel, il n'y aura pas de dépôt de demande de reconnaissance jeudi prochain. À cette date, la Fédération évangélique vaudoise, qui réunit une cinquantaine d'églises locales, devait demander solennellement au canton de Vaud de lancer la procédure de reconnaissance. Une procédure qui est plutôt longue dans le canton de Vaud. Elle peut en effet durer 5 ans, le temps d'élaborer une loi spécifique, de la soumettre au Grand Conseil. Mais les évangéliques sont très très très motivés et pour cause, une reconnaissance officielle, une reconnaissance d'intérêt public leur donnerait par exemple accès aux aumôneries, des hôpitaux et des prisons et à de possibles financements. On comprend leur intérêt, mais qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est uniquement l'attitude des églises évangéliques face à l'homosexualité? Alors non, il n'y a pas que cet aspect qui bloque, mais clairement, c'est le point principal. Alors le canton a légèrement retouché le projet de texte liminaire qui propose à la Fédération évangélique. À l'origine, celui-ci précisait que les communautés candidates devaient renoncer à toute discrimination fondée sur le sexe, mais le canton a ajouté un petit quelque chose qui n'est pas anodin. Dans le monde évangélique, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est-elle aussi interdite? Pas question dès lors qu'on jouit d'une reconnaissance officielle de l'État de refuser des membres au motif qu'ils sont homosexuels ou de les empêcher d'accéder à des fonctions dans l'église. Or, on sait que certaines de ces églises condamnent très fermement l'homosexualité parce que condamnées par certains versets bibliques. Olivier Crétigny, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous êtes en direct avec nous, vous êtes président de la Fédération évangélique vaudoise. Oui. Ça paraît assez logique de la part de l'État de demander à des églises qu'elles s'engagent à financer de ne pas discriminer de personnes homosexuelles. Oui, on peut bien comprendre cela, mais c'est vrai nous avons été surpris de ce rajout à la déclaration liminaire, puisque ce rajout ne figure pas pour l'autre communauté qui a déjà déposé sa déclaration. Et ça, c'est la première chose que je peux dire. Ce qui fait que quelle autre communauté? La communauté anglicane et l'église catholique chrétienne qui ont déposé l'automne dernier qui ont signé la déclaration. Donc ce rajout au sujet de l'orientation sexuelle ne figure pas dans les exigences de l'État à l'égard de cette communauté. Alors ça, c'est sur la question du deux poids deux mesures, on y reviendra. Oui. Mais sur la question du principe de l'homosexualité... Ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que pour nous, c'est important de clarifier cette question. Déjà sur ce qui est de l'ordre de la sexualité, je dirais normale, pour nous, l'acte sexuel se vit à l'intérieur du mariage d'un homme et d'une femme. Voilà, ça donne déjà un cadre assez précis dans notre société aujourd'hui que nous tenons. Ce qui fait qu'il faut séparer, je dirais, l'orientation sexuelle de l'acte sexuel. M'excuse de parler si concrètement, mais ces éléments figurent aussi dans d'autres églises. Alors, je dirais que la très très grande majorité des humains sont hétérosexuels. Une infime partie ont une orientation homosexuelle. Donc, premièrement, la Fédération évangélique vaudoise ne fait pas de discrimination par rapport au sexe. Ça, oui. C'est déjà une première partie. Là, on était tout à fait à l'aise. Je dirais, juste pour mentionner, pour actualiser les choses, c'est que les femmes dans les églises évangéliques ont des postes importants à tous les échelons, soit sur le plan pastoral, sur le plan des conseils d'église. D'accord, sur le sexe, on a bien compris. Vous dites pas de discrimination. Sur l'orientation sexuelle, c'est ça le sujet de la discorde. Là, par contre, vous ne revenez pas en arrière. Vous pouvez continuer à interdire des personnes homosexuelles de certaines de vos communautés. Je ne sais pas où vous avez lu le mot interdire. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pris une position ferme à ce sujet. Justement, votre position n'est pas ferme et pas très claire. Donc, quelle est votre position là-dessus? Alors, actuellement, moi, j'estime que nous respectons la constitution vaudoise. C'est-à-dire? Ça, c'est la première chose. Eh bien, qui mentionne justement ces éléments. C'est l'article 10 de la Constitution. Dans nos églises, pour être concret, pour devenir membre, nos statuts ne mentionnent pas l'exigence d'être hétérosexuel. On n'a jamais vu ça dans nos statuts. Voyez? Vous fermez les yeux, en fait. Tant que la personne ne dit pas clairement qu'elle est homosexuelle, vous la tolérez. Elle ne doit pas faire une déclaration comme quoi elle est homosexuelle. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Par contre, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont beaucoup plus importants. Confesser le Christ, désireux de vivre des valeurs, les valeurs de l'Évangile, vivre en église, en paroisse pour participer au développement et à la vie harmonieuse de la communauté. Voilà ce qui intéresse, je dirais, en premier, les responsables de nos églises. Et pour être aussi concret, par rapport à la pratique de la sexualité, il n'y a pas de discrimination, parce qu'en effet, les célibataires, comme nous disons, hein, les personnes veuves, célibataires, qu'elles soient hétéro ou homo, sont traitées sur un plan d'égalité, à savoir la chasteté. Olivier Cretenu. Puisque la vie sexuelle se vit dans le mariage. Bon, on a bien compris votre point de vue. Voilà. Vous pensez que l'État a rajouté cette clause pour vous cibler particulièrement? Ben, écoutez, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est peut-être un petit peu... Oui, on est vraiment quand même surpris de ce rajout. Mais... On s'est préparé depuis 2 ans, on a fait beaucoup de modifications, etc. Et c'est vrai que ça nous a vraiment surpris. On revient sur cette politique que vous dénoncez finalement du deux poids, deux mesures. Vous, oui. vous visez quelle communauté en parlant de ça, par exemple? Écoutez, pour l'Église catholique romaine, eh bien, elle, à notre avis, discrimine les femmes, puisque la femme au sein de cette Église ne peut pas devenir prêtre. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Ouais, parce que juridiquement, je veux dire, c'est régi par la Constitution, le rapport entre l'Église catholique ou romaine et protestante et l'État. Donc, d'un point de vue juridique, vous pouvez rien faire, mais c'est vrai que d'un point de vue moral, on peut se poser la question. Oui, eh ben tout à fait. Puis nous, ça, finalement, c'est quelque chose qui nous interpelle. Et on aimerait, c'est pour ça qu'on aimerait avoir un entretien avec la CCMR, donc la Commission consultative en matière religieuse, qui a été nommée par le Conseil d'État, pour pouvoir rediscuter de ces choses. Je dirais en particulier d'articuler ce principe de non-discrimination avec la liberté de croyance, avec le droit des associations. Hein? Les associations, elles ont des statuts. Est-ce que dans un club de football ou dans un autre club, on est régi par des statuts? Est-ce qu'on discrimine tel ou tel parce qu'il ne peut pas faire partie de telle association? Et puis il y a encore le droit des associations, justement, et des communautés qui sont déjà reconnues. Et là, on aimerait vraiment avoir des éclaircissements. Pourquoi, on nous pointe à ce niveau-là? Alors, vous demandez des éclaircissements. Un autre point, peut-être, ce qui vous est reproché, hein, c'est la mission, votre vision, peut-être, de la mission de l'école publique, dispenser un enseignement neutre, tant politiquement que confessionnellement, fondé, je cite, sur des vérités scientifiques établies. Oui. En gros, on vous reproche d'avoir des communautés encore créationnistes, c'est ça? Alors, écoutez, là, si vous relisez correctement, je m'excuse. Dites-moi. Mais si vous lisez correctement la déclaration, n'est-ce pas? Elle dit ceci, donc on doit accepter la reconnaissance de la mission de l'école publique. Oui, d'accord. Non, mais je veux dire, c'est assez important parce que y a aucun évangélique qui ne reconnaît pas la mission de l'école publique. La très très grande majorité de nos enfants suivent l'école publique. Mais parallèlement, vous autorisez à dispenser une éducation créationniste. Écoutez, là, on est dans le domaine aussi de la liberté de croyance. Finalement, c'est assez grave si l'État, je dirais, vient contrôler. Vous imaginez que l'État vienne contrôler l'enseignement catéchétique qui est donné dans nos églises pour savoir si on parle de créationnisme ou pas. Il y a encore une liberté qui est là et qui doit être protégée. Maintenant, il faut savoir aussi que en tout cas au sein de notre fédération, la grande majorité de nos églises ne croient pas, ne mettent pas en avant le créationnisme terre-jeune, comme on dit, dans le milieu, c'est-à-dire création 7 jours. Il y a d'autres approches, tout en croyant que Dieu, puisqu'on le confesse, on croit en lui, est le créateur au départ. Voilà. Olivier Crétigny, on comprend toutes ces tensions, ces visions différentes. Vous l'avez dit, au sein de votre fédération, il y a différentes églises. Est-ce que vous êtes toutes, entre guillemets, état de veau compatibles, ou est-ce que ces nouvelles demandes qui vous ont faites nécessitent peut-être que vous fassiez un peu de tri, que vous sélectionnez les églises qui seraient vraiment prêtes à entrer dans un partenariat avec l'état de veau? Ou est-ce que ça a déjà été fait chez vous? Alors, en tout cas, on ne souhaite pas du tout entrer dans un tri. C'est pour ça que nous avons pris la décision, non pas d'annuler la remise à Madame Métro, la conseillère d'État, la remise de cette déclaration, mais plutôt nous voulons nous écouter les uns les autres et puis chercher ensemble un chemin qui va nous permettre d'avancer. En tout cas, moi, je reste assez positif à ce sujet. Ben, c'est sûr que certains sont plus en avant, d'autres pas. Vous voyez, la manière dont ces déclarations étaient comprises, c'est que pour certains, eh bien, on signe cette déclaration et c'est un point de départ pour négocier, puisqu'on a 5 ans, comme vous l'avez dit, on a 5 ans pour établir nos relations avec l'État. Et puis pour d'autres églises de la fédération, ces déclarations pour être, vraiment, ces personnes, ces responsables ne voulaient pas la signer, voulaient la signer en toute bonne conscience. Et puis elles se demandaient s'il y avait déjà des limites non négociables. Olivier Crotoni. Il y a ces deux positions. On a bien compris, Olivier Crotoni. Donc vous repoussez finalement cette signature, peut-être au calendrier grec. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne veut pas de vous? Écoutez, ce serait quand même le comble. Ça fait 200 ans que nos communautés évangéliques sont présentes dans le canton de Vaud. Madame Métro, conseillère d'État, a dit à plusieurs reprises que ce qui intéressait les autorités cantonales, c'était pas la théologie de ces communautés requérantes, mais elles veulent vérifier que nous travaillons pour la paix sociale et le bien du peuple. Et je peux vous dire qu'on a tout un dossier qu'on a remis au Conseil d'État. On est extrêmement à l'aise avec le but de cette reconnaissance pour les autorités. Merci Olivier Crétigny d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération évangélique vaudoise et on a compris que vous gardez espoir d'obtenir un jour cette reconnaissance par l'État.